Chers ta chère communauté, nous allons écouter un enseignement qui a été offert le jeudi dernier au village des Pruniers. Nous sommes pendant notre retraite d'hiver, donc c'est un enseignement qui parfois peut sembler un petit peu difficile à comprendre, mais on vous demande simplement de laisser la pluie du Dharma vous arroser et de ne pas essayer de l'attraper intellectuellement. C'est un enseignement qui est donné en vietnamien par notre maître. Il y a eu une traduction en français. Malheureusement, ces derniers temps, ça paraît qu'il y a des difficultés avec l'enregistrement de la traduction au village. Hein. Donc, nous n'avons pas reçu la traduction en français. Par contre, nous avons la traduction en anglais. Et donc, je vais faire de mon mieux pour traduire de la traduction en anglais. Donc, pardonnez-nous, c'est un peu moins... agréable que quand on a la traduction directe en français, mais on fait notre mieux. Merci. Bonjour, chère communauté. Nous sommes le 5 décembre 2013. Nous sommes dans la salle de la pleine lune du hameau nouveau au village des Pruniers pendant notre retraite d'hiver. Il y a deux portes qui sont 400 ans. Elles sont faites d'arbres. Des portes qui sont faites avec des arbres qui ont à peu près 1000 ans, quelque chose comme cela. Nous savons que la durée de vie d'un être humain, la longévité, est à peu près d'une centaine d'années. Et nous pouvons nous demander nous-mêmes, quel est notre propos dans cette vie ? Quel est notre propos dans notre vie, cette vie qui dure une centaine d'années à peu près? Est-ce que nous avons un propos, quelque chose à réaliser ou accomplir